Marco Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Certains députés plaident pour la révision du décret portant création de l'agence de gestion des stocks de sécurité alimentaire afin de bien clarifier ses missions. La vulgarisation de la loi électorale est l'une des voies qui faciliterait la compétition électorale. Mireille Kanyangé nous propose un reportage réalisé dans les communes de Guita et Makebuko à ce sujet, en province de Gitega. Il importe de définir un cadre national pour la gestion des traumatismes de Burundi liés aux guerriers endeuillés de pays. L'idée a été lancée au cours d'un forum organisé par le Centre d'alerte et de prévention des conflits CENAP. Dans la chronique environnement, un spécialiste nous expliquera comment le mercure présente des dangers aussi bien pour l'environnement que pour la santé humaine. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Certains députés estiment que l'intervention de l'agence de gestion des stocks de sécurité alimentaire est contradictoire à ses missions. Ils plaident pour la révision du décret portant sa création pour qu'elle puisse exercer ses activités librement. Lors de la présentation du rapport de descente effectué par la commission permanente en charge de l'agriculture à l'Assemblée nationale la semaine dernière, la ministre du Commerce Marie-Chantal Ndjimbéré a indiqué qu'elle va en parler avec son collègue en charge de l'agriculture. On fait le point avec Claude Itangishak. Certains députés estiment que la loi régissant l'Agence nationale de gestion du stock alimentaire en agissant en sigle devrait être révisée. Ils expliquent que la loi actuelle manque de clarté, ce qui entraîne des obstacles de l'exécution de la mission confiée à cette agence. Ils considèrent également que cette dernière devrait bénéficier d'une autonomie de gestion. Le bon fonctionnement de cette agence dépend du ministère en charge de l'agriculture, comme la loi qui la régit le précise. Un article précise qu'elle agit moyennant approbation de l'autorité du tutelle. Donc, il est visible que l'ANAGESA a été bloquée dans ses missions. Je ne sais pas par quelles étaient les intentions de ceux qui ont préparé ce décret régissant cette agence. D'autre part, les autres députés estiment que la mission de commercialisation exercée par cette agence n'est pas la sienne. Le ministre du Commerce confirme que l'État n'a pas le droit de faire du commerce. En se basant sur ce surplus de la production du maïs et sur les activités de commercialisation en cours de cette agence qui revient au gouvernement, je voudrais demander au ministre du Commerce s'il est permis au gouvernement d'entreprendre le commerce. Et si c'est le cas, qui assurera la mise en place des lois visant à faciliter cette activité pour le compte du gouvernement? Concernant la révision de la loi régissant cette agence, elle indique qu'elle va consulter son collègue en charge du ministre de l'Agriculture afin d'examiner les mesures à prendre. En réalité, le gouvernement n'est pas un commerçant, mais s'il trouve qu'il y a un secteur qu'il faut appuyer, il dispose des moyens pour le relever, notamment en mettant en place des organes qui en assurent le suivi conséquent. Donc, comme vous l'avez demandé, il faut faire une auto-évaluation. Mais cela ne veut pas dire que la mission première de l'ANAGESA est de procéder au commerce. Nous allons collaborer avec mon collègue en charge du ministère de l'Agriculture, surtout que nous disposons des éléments de base et des leçons à prise lors des précédentes saisons de collecte de la production. Le rapport de la commission permanente chargée de l'agriculture et de l'élevage au sein de l'Assemblée nationale révèle que plus de 58% de la production collectée par cette agence au cours de deux dernières années est encore stockée. Et la rédaction Isanganiro revient sur les missions dévolues à cette agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire. Il s'agit entre autres d'assurer la gestion des infrastructures et équipements de stockage existants, mais aussi d'en construire de nouvelles. Le décret portant création de l'ANAGESA date de 2018 et il nous est lu par Jean de Dieu Irakoze. L'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire ANAGESA est placée sous tutelle du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, comme le précise l'article 1er de ce décret. L'article 6 de ce décret clarifie les missions dévolues à cette agence. Il s'agit notamment d'assurer la collecte des vivres comme cela se remarque sur terrain et de veiller au renouvellement et à la sécurité des stocks. En outre, cette agence est chargée envisager de travailler en synergie avec les services concernés pour apporter une assistance alimentaire et nutritionnelle aux victimes de catastrophes et aléas climatiques. Au niveau des infrastructures et équipements, il est chargé d'assurer la gestion des infrastructures et équipements de stockage déjà existants, mais aussi de construire de nouvelles infrastructures en partenariat avec les services des ministères sectoriels et des partenaires. Il a également la mission d'assurer l'approvisionnement du marché en vivres contenus dans les stocks en respectant les standards internationaux de conservation et d'assurance qualité. Jean de Dieu, Irakoze. Des Burundais souffrent de traumatismes dus aux violences qui ont endeuillé le Burundi et devraient bénéficier d'un traitement approprié. Propos tenus ce jeudi au cours d'un forum organisé par le Centre d'alerte et de prévention des conflits CENAP. Certains hommes politiques ont présenté leurs doutes par rapport à cette démarche. Selon eux, on devrait tout d'abord connaître la vérité sur ce qui s'est passé, même si cela n'est pas facile. La directrice de ce centre, Liberate Nakimana, suggère au gouvernement de créer plutôt un cadre national pour la gestion de ces traumatismes. On fait le point avec Sheila Irambona. Au cours de ce forum organisé par le Centre d'alerte et de prévention des conflits, CENAP, un des conférenciers du jour est revenu sur l'importance de gérer les traumatismes. D'après lui, si ces derniers ne sont pas bien gérés, il y a risque de transmettre ces blessures aux générations futures. Le gouvernement devrait donc trouver comment freiner cette transmission. Moi, ce que je pense, c'est que si on ne prend pas de précautions, on va se retrouver, vous, parents, en train d'inculquer à la nouvelle génération votre vision des choses. En leur disant que les autres vous ont fait vivre le pire, de les côtoyer avec précaution. C'est ça la transmission. Si nous n'essayons pas de résoudre ce problème à temps, n'espérons pas que les choses vont mieux aller. Certains politiciens ont indiqué que pour bien gérer ces traumatismes, on devrait tout d'abord connaître la vérité par rapport à ce qui s'est passé. J'ai des doutes car cette question a été traitée maintes fois, mais sans résultat. Je pense que nous n'allons pas guérir de sitôt, car pour guérir de ce traumatisme, nous devons révéler la vérité et par après envisager comment la présenter à la nouvelle génération. C'est vraiment urgent que la vérité soit révélée au grand jour, car les gens sont traumatisés. C'est vrai, la CVR fait que la vérité soit révélée, mais il faut qu'elle enclenche le travail de réconciliation, parce que si cette vérité éclate sans thérapie, les gens peuvent en souffrir. La directrice du CENAP, elle suggère au gouvernement de créer un cadre national de gestion des traumatismes post-conflit. Le Burundi, les Burundais ont besoin d'un cadre national pour la gestion des traumatismes parce que presque tous les Burundais vivent avec des traumatismes. Or, sans guérison des traumatismes, il est très difficile pour quelqu'un ou pour chaque personne de contribuer au développement du pays, au développement de soi-même et même de dans la contribution à la réconciliation. L'autre chose relevée au cours de ce forum est que les Burundais font toujours la culture du silence et que cela fait que ces traumatismes post-conflit persistent encore. Le père Dieudonné Niwidi appelle les Burundais à changer de comportement. Sheila Irambona. La vérité, la transparence, la justice et le dialogue inclusif sont quelques préalables à mettre en avant pour que le processus de réconciliation Burundi aboutisse. Propos du président de la commission Vérité et Réconciliation au cours d'une conférence débat organisée ce vendredi, Pierre Claver Ndayicariye aspire voir un Burundi sur le chemin de la paix et de la réconciliation, ce qui nécessite l'apport de tout un chacun. Jean-Claude Niomokiza. Le processus de réconciliation est un long processus du fait qu'il incite tout Burundais à avouer qu'il y a eu des massacres dans tout le pays dans les années antérieures. Dans une conférence organisée ce vendredi par la commission Vérité et Réconciliation, Pierre Claver Ndayicariye fait savoir aux Burundais quelques conditions qui doivent être mises en avant pour que le processus de réconciliation soit favorable. Nous voulons que les violences faites, les victimes et les auteurs soient connus. Nous voulons que toutes les victimes, durant cette période, soient rétablies dans leurs droits. Et enfin, le dialogue et l'inclusion. Concernant la question d'un seul monument pour tous les Burundais qui ont péri dans les massacres des années antérieures, Pierre Claver Ndayicariye, en se basant sur le code régissant la Commission Vérité et Réconciliation, il explique les types de monuments. Mais selon lui, ce qui est nécessaire, ce sont les messages véhiculés. Le problème n'est pas de multiplier les monuments, mais le message donné, et puis éduquer la nouvelle génération et la génération future, car ceux qui viendront après ne sauront pas ce qui s'est passé. Il faut donc multiplier les monuments et les écrits. Le président de la commission Vérité et Réconciliation aspire voir un Burundi dans le chemin de la paix et de la réconciliation, ce qui nécessite l'apport de tout un chacun, car la commission ne peut pas à elle seule atteindre cet objectif. Jean-Claude Niyomukiza. La vulgarisation de la loi électorale dans les communes collines ainsi que chez les militants des formations politiques est l'une des voies qui faciliterait la compétition électorale, puisque chacun distinguerait ce qui est permis de ce qui ne l'est pas. Une suggestion de Venant Manirambona, gouverneur de la province de Gitega, qui appelle les leaders politiques à prioriser la communication avec les autorités provinciales en cas de désagrément sur terrain. En cette période préélectorale, des habitants ainsi que des responsables des communes Guéta et Makembuko disent se préparer à ces élections sans heurts. Mireille Kanyange est de retour de Gitega. Ils disent s'être préparés aux élections. Ce sont des habitants de la commune Guiheta qui indiquent en outre qu'il n'y a pas de chicanerie politique dans leur voisinage. À l'administration communale de Guiheta, Fidel Nizigimana, secrétaire exécutif et permanent, affirme que la commune est calme à la veille des élections, rappelant qu'après les élections, la vie continue. Nous préparons la population à se préparer aux élections, mais en étant au travail et aussi en restant serein. Parce que la période des élections, c'est une période normale, même si c'est une période qui change les institutions. Mais c'est une période qui caractérise la vie du pays, mais qui ne pourrait pas conduire les gens à ne pas travailler ou à créer des conflits. Parce que après les élections, la vie va toujours continuer comme elle est aujourd'hui. Après Guiheta, nous nous sommes rendus en commune Makebuko de la même province de Gitega. Là, Simeon Bukuru, numéro 2 de cette commune, indique qu'il y a un cadre d'échange entre politiques et cela une fois le trimestre, ce qui facilite le rapprochement. Nous formons une plateforme des partis politiques, des organisations non gouvernementales, où une fois le trimestre, nous essayons de nous réunir sur une activité génératrice de développement pour ne pas être esclaves de la politique, afin d'être unis. Des habitants de la commune Guiheta qui se sont exprimés appellent d'autres localités où les membres de différentes formations politiques s'affrontent encore dans des coudres avec ce comportement. À l'administration provinciale de Gitega, Venant Manirambona, gouverneur, suggère que la loi électorale soit vulgarisée dans les communes et collines et aux membres de différents partis politiques afin qu'ils répondent aux élections, sachant distinguer ce qui est permis de ce qui est défendu. Aujourd'hui, nous apprécions qu'il y a eu des activités de sensibilisation des leaders politiques au niveau national sur le contenu de la loi électorale. Nous avons demandé que cela soit aussi appliqué au niveau des provinces, si possible au niveau des communes et des collines, pour que tout le monde sache ce qui est permis de ce qui est interdit avant même les élections. Au numéro 1 de la province Gitega, d'appeler les responsables des partis politiques dans leur diversité, de lui signaler tout désagrément sur terrain dans sa province afin d'apaiser le climat politique. Cela étant, les élections des députés et les communales se feront le 5 juin de cette année de 6h à 15h. Mireille Kanyang. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Certains habitants des quartiers Karama et Chari, situés dans la zone Rubirizi en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, se disent préoccupés par la carence d'eau signalée dans ces quartiers. Ils expliquent qu'ils utilisaient l'eau donnée par une société dans certains Isidore Ngenda Kumana, mais qu'ils n'en reçoivent plus régulièrement, ce qui est confirmé aussi par le chef de cellule de Karama. Ils demandent à la régie des eaux de leur fournir de l'eau propre. Clovis Nyongour. Ces habitants des quartiers Chali et Karama déplorent que le manque d'eau fourni par la régie de distribution d'eau et d'électricité régie des eaux dans leur localité les préoccupe. Une situation qui les expose aux maladies autant qu'ils se retrouvent obligés d'utiliser l'eau des marais. Par exemple, chez nous, il y a un mois sans avoir de l'eau fournie par la société d'insertion Isidore Ngenda Kumana. Dans son cas, ça nous dérange beaucoup parce que même si nous allons s'en approvisionner dans la fontaine, nous pouvons rentrer sans avoir de l'eau car ceux qui en cherchent sont nombreux. Vous trouvez que beaucoup d'activités deviennent paralysées. Si l'eau n'est pas disponible régulièrement, certaines des activités sont paralysées. Nous nous dirigeons sans approvisionner dans les marais pour avoir de l'eau à utiliser dans la lessive, mais l'eau potable devient toujours un problème. Kabura Gabriel, chef de cellule au sein du quartier Karama, affirme que même la société dans certains Isidore Ngenda Kumana qui leur a donné de l'eau ne fait plus régulièrement. Il y a une société qui nous fournit de l'eau. C'est la société dirigée par un certain Isidore Ngenda Kumana, mais nous n'en avons pas tous. Dans cette localité, nous n'avons pas de l'eau de la régie des eaux. Ce manque d'eau est d'autant plus préoccupant qu'ils demandent avec insistance à la régie des eaux de leur fournir de l'eau potable. Nous demandons à la régie des eaux de se pencher sur cette question en nous servant de l'eau pour notre confort. Parce que dans la vie, l'eau est un élément indispensable. Contacté par la rédaction, le nommé Isidore Ngenda Kumana nous a informé que l'irrégularité de la distribution de l'eau était due à un tuyau cassé, mais qu'ils sont en train de le remplacer. Radio Isanganiro, chronique environnement. Le mercure se trouve dans trois milieux, dans l'eau, sur la terre et dans l'air. Explication de Rémi Marie Nkurunziza, spécialiste en environnement et enseignant à l'Université du Burundi. Il souligne que le mercure est extrêmement nuisible à l'environnement. Là où il est présent, les cultures cessent de croître et peuvent même se dessécher complètement. Il conseille à la population de cesser d'utiliser du mercure car il est également un danger pour la santé humaine. Lydie Gahimbare. Le sol qui est contaminé par le mercure devient en danger des êtres vivants qui sont sur cette terre, plus particulièrement par les plantes qui accumulent le mercure. Les conséquences s'observent sur la croissance des plantes et qui s'arrêtent lorsqu'il y a la forte concentration du mercure, comme l'explique Rémi-Marie Mounoudidza, enseignant et chercheur à l'Université du Burundi. On commence par le sol. Le sol qui est contaminé par le mercure devient un danger pour les êtres vivants qui vivent sur cette terre, mais aussi plus particulièrement pour les plantes qui assimilent le mercure. Le problème est que pour les plantes, en fonction du degré de concentration du mercure dans le sol, les conséquences s'observent surtout au niveau de la croissance des plantes. Et si le degré de concentration du mercure est minime, peut entraîner le ralentissement de la croissance des plantes. Mais si cette concentration est élevée, les plantes ne vont pas croître convenablement. Cette forte concentration va arrêter la croissance des plantes. Cet enseignant et chercheur à l'Université du Burundi explique également que le mercure est trop toxique. Il produit le méthylmercure au niveau de l'eau par des bactéries et qui vont se former par les bioamplifications. Et par conséquent, selon toujours Rémi-Marie Mounoudidza, l'homme qui consomme les poissons va être contaminé également par le mercure qui est nuisible à sa santé. Alors, ce sont composés toxiques, le méthylmercure, qui est très dangereux pour la santé. surtout qu'il est produit au niveau de l'eau par les bactéries. Alors, il va se former ce que nous appelons la bioamplification, ça veut dire au niveau de la chaîne alimentaire, et les petits poissons qui vont consommer les algues ou bien d'autres végétaux, eux-mêmes qui ont déjà consommé, qui ont déjà assimilé l'eau contaminée par le mercure. Alors, tout au long de la chaîne, les êtres vivants seront contaminés en fonction de leur taille. Dans des concentrations de mercure, on va le retrouver dans les gros poissons. Et par conséquent, l'homme qui va manger ces gros poissons, alors c'est lui aussi contaminé par la chair de ces poissons. Alors, va se former ce que nous appelons la bioaccumulation au niveau de l'organisme et de l'autre. L'être vivant. Alors, c'est là où le danger s'observe qui va alors porter préjudice à sa santé. Rémi Marie Mouziza appelle la population burundaise et le monde entier à respecter la convention de Minamata au Japon qui a été adoptée le 10 octobre 2013. La convention qui consiste à réduire l'utilisation du mercure. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.